L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est une image magnifique que nous venons de découvrir dans le dernier numéro de la revue américaine Science. Une supernova démultipliée par 4. Il s'agit d'une illusion, mais bien réelle. Il y a bien eu une seule explosion d'étoiles, mais nous la voyons 4 fois, à cause d'un effet de lentille gravitationnelle. La démultiplication d'images d'objets lointains par lentille gravitationnelle est ce qu'on appelle communément une croix d'Einstein. C'est un effet purement relativiste. Cela a lieu quand l'alignement est quasi parfait entre l'objet lointain, l'objet déflecteur et nous. Jusqu'à présent, on avait pu observer de tels phénomènes uniquement sur des galaxies. Et aujourd'hui, donc, c'est la première fois que l'on assiste à ce phénomène sur une étoile unique, en l'occurrence une explosion d'étoiles. C'est le 12 novembre dernier que Patrick Kelly, astronome à l'université de Berkeley aux États-Unis, découvrit sur des images du télescope spatial Hubble cette supernova pas comme les autres qu'il avait l'habitude de voir. Il y en avait visiblement 4, toutes identiques et symétriquement réparties autour d'une grosse galaxie au sein d'un amas de galaxies. La supernova est nommée Refsdal, du nom de l'astrophysicien norvégien Sjur Refsdal, qui fut le premier à proposer l'idée de la mesure du taux d'expansion cosmique par la mesure de distance d'une supernova par lentille gravitationnelle. C'était en 1964. Cette supernova est vraiment très lointaine. Elle est située à 9 milliards d'années-lumière. La grosse galaxie, qui a servi de lentille, se trouve, elle, à 5 milliards d'années-lumière de nous. Les supernovas de type 1A sont importantes car elles permettent de mesurer leur distance. Elles sont par exemple utilisées pour déterminer le taux d'expansion de l'univers et comment il évolue. Il est donc aussi important de trouver des supernovas situées à un peu toutes les distances pour pouvoir calculer comment a évolué l'expansion de l'univers au cours du temps cosmique. Ce qui est très intéressant avec cette supernova démultipliée, c'est que l'alignement n'était pas tout à fait parfait, oui, on peut le comprendre. Et du coup, les photons des quatre images n'ont pas pris le même temps pour arriver à nous. En d'autres termes, on voit quatre images de l'explosion de la supernova à plusieurs temps différents. Un peu comme si on regardait un film plusieurs fois en décalé, mais simultanément. On peut ainsi voir 4 fois la montée de luminosité, puis 4 fois la décroissance de cette explosion. Et en mesurant ces écarts temporels entre les 4 images de cette même explosion, on peut théoriquement déterminer précisément la distance parcourue par ces différents rayons lumineux entre leur point d'origine et nos yeux, c'est-à-dire le miroir de Hubble. C'est ce qu'on appelle la méthode de Refsdal. Malheureusement, dans le cas de cette belle quadruple supernova, qui est la première candidate potentiellement utilisable pour cette méthode, l'objet déflecteur est constitué de 2 lentilles, la grosse galaxie et l'amas de galaxies. Or, le calcul du chemin des rayons lumineux dépend aussi du champ gravitationnel à l'origine de la déflexion. Et ce calcul est ici trop peu précis car le champ gravitationnel est trop difficile à modéliser. Ce qu'espèrent les chercheurs, c'est maintenant de découvrir une nouvelle image de cette supernova qui pourrait émerger de l'amas de galaxies centrales après de multiples déflexions, ce qui permettrait de beaucoup mieux connaître la distribution de matière dans cet amas de galaxies et de pouvoir enfin mesurer la distance de l'explosion et par là même mesurer l'expansion de l'univers. Cela implique qu'il faudrait que Hubble, ou son futur successeur, garde très souvent un œil sur cette zone du ciel, pour ne pas rater ce nouvel événement. Ce type de phénomène astrophysique devrait pouvoir être plus souvent découvert à l'avenir, grâce à l'arrivée annoncée du Large Synoptic Sky Survey, toujours prévu pour 2022. Alors que Albert Einstein fait la couverture de la revue Science pour fêter les 100 ans de la théorie de la relativité générale, quel plus bel hommage que cette superbe découverte d'une croix d'Einstein sur une supernova preuve exceptionnelle de cette théorie centenaire, chaque jour plus robuste. L'article est paru dans Science, donc aujourd'hui, le 6 mars 2015, avec le titre « Multiple images of a highly magnified supernova formed by an early type cluster galaxy lens » par Patrick Kelly et al. Il est également relaté dans Nature, dans une brève intitulée « Supernova Kaleidoscope Seen for First Time ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute et surtout sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Mais je sais bien que vous en avez l'habitude, n'est-ce pas ?